السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc comme ça a été annoncé, c'est un cours qui est une leçon sur l'éducation des enfants fait par un savant de l'islam عليه رحمة الله car il fasse miséricorde qui s'appelle Abdullah bin Humayd. Abdullah bin Mohamed bin Humayd, c'est un grand savant, on ne va pas faire sa biographie aujourd'hui, mais c'est tiré d'un livre qui s'appelle Al-Fatawa wa al-Durus fi al-Majid al-Haram li samahat al-Sheikh Abdullah bin Mohamed bin Humayd. C'était un savant qui était enseignant al-Majid al-Haram parmi les savants de l'islam, et il a écrit dans ce livre, où il a donné comme cours, une leçon sur l'éducation des enfants. Donc le programme d'aujourd'hui, ça va être tel quel, inshallah, qu'on va faire une leçon sur l'éducation des enfants. On va traduire ce qu'il a dit Cheikh Abdullah ibn Muhammad rahimahullah ta'ala. Et puis, uniquement pour les frères et les sœurs de Birmingham, on va éteindre la radio, inshallah, et on va avoir une petite assise. Les sœurs, elles peuvent écouter via le micro et réagir par rapport à, en écrivant, si elles veulent écrire des choses, etc., pour des conseils plus pratiques. Comme je suis moi-même enseignant, que je travaille avec des enfants, peut-être qu'ils ont besoin de conseils plus pratiques, ou qu'on a tous besoin de conseils un peu plus pratiques concernant la manière d'éduquer nos enfants. Donc le cheikh, il commence son cours en disant, ou sa leçon en disant, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salat wa salam ala nabihi al-amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu qu'u anfusakum wa ahlikum nara, wa qudha al-nas wal hijarah, alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'asun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Min surat al-Tahrim. معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، قال بعض السلف إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الشيخ الدي il commence par un verset du Coran. Et le verset du Coran, sa traduction est, la traduction du sens est, ô vous qui avez cru, on va revenir sur Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Surat al-Tahrim, verset 6. Et le cheikh, il dit, le sens de ce verset est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction du sens est, ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu. Certains salafs, certains plus prédécesseurs ont dit, lorsque tu entends Allah dire, selon la traduction du sens est, ô vous qui avez cru, prête alors l'oreille à cette parole. Car cela est soit un bien qui te sera commandé de faire, soit un mal qui te sera interdit de commettre. Puis il dit, فَقَوْلُهُ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا مَعْنَا قُوْ أَنفُسَكُمْ أي اجعل لنفسك وقاية تقيك من النار وأهليكم أي اجعل وقاية تقي أهلك من النار. أما وقاية نفسك من النار فهي apparemment, les sœurs, elles entendent pas très très bien ou pas du tout. Hein? Je change le micro. Comment le micro là, je ne sais pas si c'est celui-là. Ou... Voilà, avec ce micro, j'espère que le son est plus clair. Ala kulli hal. Donc on répète au moins cette partie ici. Le cheikh, il dit, rahimahullah ta'ala, فقوله قو أنفسكم أهليكم نارا معنى قو أنفسكم اجعل نفسك وقاية تقيك من النار وأهليكم اجعل وقاية تقي أهلك من النار أما وقاية نفسك من النار فهي لا تحصل إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهذا هو الذي يقيك من النار هذا معنى قو أنفسكم أي بامتثال أوامر الله من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله لئلا تعبد إلا الله وحده لا شريك له وأن تعرف توحيدك الذي خلقت لأجله بأن تكون شهادتك أن لا إله إلا الله نقية صافية مما ينافيها أو ينافي كمالها الواجب. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sa parole, la parole d'Allah dans la traduction du sens est, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Le sens de préserver vos personnes est, donne-toi une protection qui te protégera du feu. Le sens de « et vos familles » prend une protection qui protégera ta famille du feu. Quant à ta propre protection contre le feu, cela ne peut être qu'en mettant en application ses ordres, les ordres d'Allah, et en s'écartant de ses interdits, les interdits d'Allah. C'est cela qui te préserve du feu, et c'est cela le sens de préserver vos personnes. Qu'ou anfusakum. C'est-à-dire, en mettant en application les ordres d'Allah, en réalisant l'attestation, en réalisant l'attestation que l'une est en droit d'être adorée à part Allah, afin que tu n'adores qu'Allah seul, sans rien ne rien lui associer, et que tu connaisses l'unicité pour laquelle tu as été créé, que ton attestation que l'une est en droit d'être adorée à part Allah soit propre, pure, de tout ce qui l'annule, ou annule sa perfection obligatoire. Puis Cheikh, il dit, et c'est la continuation, il dit, بِأَن تَكُونَ شَهَدَتُكَ أَلَّا إِلَّا اللَّهِ نَقِيَّةً صَافِيَةً مِمَّا يُنَافِيهَا أَوْ يُنَافِي كَمَالَهَا الْوَاجِبُ ومن البدع القادحة في شهادة أن لا إله إلا الله أو المعاصي المنقصة لشهادة أن لا إله إلا الله وكذلك شهادة أن محمد رسول الله أي بامتثال ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون عبادتك لخالقك وباريك على النحو الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوا أنفسكم فهذا جعلت لنفسك وقاية أو بهذا جعلت لنفسك وقاية تقيك من النار. Donc le cheikh il dit que ton attestation, quelle attestation? La ilaha illallah, que l'une est en droit d'être adorée par Allah soit propre, pure de tout ce qu'il annule ou annule sa perfection obligatoire, ainsi que des innovations religieuses qui déprécient l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, ou qu'il la diminue, ou des désobéissances qui diminuent l'attestation que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et aussi l'attestation que Muhammad est l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en mettant en application ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de faire, et en s'abstenant de commettre tout ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit. Et que ton adoration soit vouée pour ton Créateur, celui qui t'a donné commencement de la manière légiférée par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa qawluhu, et c'est cela donc le sens de préserver vos personnes. Par cela, tu te seras donné une protection contre le feu. Wa qawluhu qu'u anfusakum ahlikum nara ma'loumun anna l'aulad hum safwatul ahl. Falabudda an taj'ala wiqayatan li awladik wa man tahta yadik. Donc après avoir fait cette introduction, si vous voulez, le cheikh ici, il lit cette introduction au sujet même du cours qui est l'éducation des enfants. Et il dit, et sa parole, la parole d'Allah dont la traduction du sens est « Préservez vos personnes et vos familles d'un feu », il est connu que les enfants sont l'élite de la famille. Tu te dois donc de donner une protection à tes enfants. Et à ceux qui sont sous ta responsabilité qui les protégera du feu. Quelle est cette protection? Cher, il pose cette question et va y répondre. Il dit, هي نصيحتهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم وتعليمهم التعليم النافع الصحيح الذي يغرس الإيمان في القلب ويعرف به حق ويعرف به حق خالقه وحق والديه. وهذا معنى قوا أنفسكم وأهليكم، أي أن تجعل لأهلك وقاية بنصحهم وإرشادهم وتعليمهم وإبعادهم عن كل ما يرديهم. وقلنا إن الأولاد هم صفوة الأهل، فلا بد أن تعلمهم ينفعهم وأن تبعدهم عن قرناء السوء الذين لا خير فيهم. وتعليمهم هو مقتضى مدى العلي الكتاب والسنة في أمور دينهم حتى يتربوا التربية الصحيحة النافعة الطيبة. ونحن لا نمنع من تعلم الأمور الدنيوية النافعة، فإن دين الإسلام لا ينهى عنها كتعلم الطب والاقتصاد والتجارة وما أشبه ذلك، لكن هذه بعد صلاح العقيدة وبعد صلاح العلوم التي خلق المرء لأجلها. هذا هو الذي يتعين. Et cher, quelle est cette protection donc? C'est les conseiller et les orienter vers ce qui leur est bénéfique et leur apprendre, leur enseigner par un apprentissage bénéfique et authentique qui implante ou qui sème la foi dans le cœur et par lequel ils connaissent le droit de leur Seigneur et le droit de leurs parents. C'est cela le sens de préserver vos personnes et vos familles. C'est-à-dire que tu donnes une protection à ta famille en les conseillant et en les orientant et en leur apprenant et en les éloignant de ce qui les ruine. Nous avons dit que les enfants sont l'élite de la famille. Il t'est donc obligatoire de leur apprendre, de leur enseigner ce qui leur est bénéfique et que tu les éloignes des mauvais compagnons qui n'ont aucun bien. Leur enseignement est exigé par ce qui est indiqué par le Coran et la Sunna dans les affaires de leur religion, afin qu'ils soient éduqués d'une éducation correcte, bénéfique et bonne. Puis le cheikh, il leur apporte un point important, parce que par cela, il ne faut pas croire qu'on interdit par cela l'enseignement qui relate ou qui a trait aux choses de ce bas monde. Le cheikh, il dit, nous n'interdisons pas l'enseignement des choses de ce bas monde, qui sont bénéfiques, car l'islam ne l'interdit pas, comme l'étude de la médecine et de l'économie et du commerce, etc. Mais cela vient après la bonne croyance et les bonnes sciences pour lesquelles l'individu a été créé. C'est cela qui est obligatoire. Puis le cheikh il dit, وَمِنْ وَقَايَةِ الْأَهْلِ Toujours par rapport au verset de surat Tahrim, قُوْ أَنفُسَكُمْ أَهْلِكُمْ نَارًا Il dit, وَمِنْ وَقَايَةِ الْأَهْلِ أَنْ تُبْعِدَ أَوْلَادَكَ مِنْ قُرَانَ أَوْ عَنْ قُرَانَ السُّوءِ الَّذِينَ لَا خَيْرَ فِيهِمْ كَبَعْدِ الزُّمَلَاءِ الْمُلْحِدِينَ الْمُنْحَلِّينَ الْبَعِيدِينَ عَنْ أُمُورِ دِينِهِمْ فَيَنْبَغِي أن تحذر أولادك عن مخالطتهم وأن تحرص على أن لا يخالطوهم لأن فيهم جربا فهؤلاء الجرب أو جربا فهؤلاء الجرب ولابد أن ولدك إذا خالطهم سينتقل جربهم إليه حتى ولو كان ولدك صحيحا سليما عاقلا لكن بمخالطته قرناء السوء لابد أن وأن يكتسب من أخلاقهم وأعمالهم فيؤثرون عليه وفيؤثرون عليه فيؤثرون عليه فالناقة الصحيحة متى خالطت الإبل الجرب لابد وأن تجرب أو الواحدة من الجرب إذا خالطت الإبل كثيرة فإنها تجرب وإن ينتقل جربها إلى هذه المجموعة فتجرب كما قيل لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. Puis le cheikh il continue en disant رحمه الله تعالى: Il fait partie de la protection de la famille que tu éloignes tes enfants des mauvais compagnons dans lesquels il n'y a aucun bien, comme certains amis athées ou dépravés éloignés des affaires de leur religion. Il convient que tu mettes en garde tes enfants contre leur fréquentation et que tu t'attaches à ce qu'ils ne les fréquentent pas, car ils ont, et le cheikh a utilisé une expression, une métaphore pour dire qu'ils ont la gale et ton enfant doit obligatoirement être contaminé par ces galeux s'il les fréquente. Et c'est même si ton enfant était en bonne santé, bien portant et doué de raison. Mais à cause de sa fréquentation de mauvais compagnons, il va obligatoirement prendre de leur comportement et de leurs actions. Et ils vont donc l'influencer. La chamelle en bonne santé, lorsqu'elle se mélange au chameau galeux, elle va obligatoirement être contaminée. Ou si une chamelle galeuse se mélange à ce groupe de nombreux chameaux, ils vont obligatoirement être contaminés. Et comme il a été dit, c'est un vers de poésie qui dit... Lorsqu'elle vit sa sœur hier tombée en ruine, la dévastation devint pour elle plus contagieuse que la gale. Puis le cheikh il dit: ثم ايضا تعليمك لاولادك ومواظبتك عليهم بالمحافظه على الصلوات إذ إن الصلاة دين وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر فغالبا إذا رأيت الولد يعتاد المسجد في كل وقت فهذا علامة على خيريته وعلامة على صلاحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Il faut savoir que ce hadith il a été jugé faible, on va revenir là-dessus par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc le Cheikh dit ici, ensuite que tu, ainsi aussi que tu apprennes à tes enfants et que tu persévères, le Cheikh l'a dit, le muadaba, fait d'être constant, de persévérer dans le fait de leur ordonner de préserver la prière. Car la prière est une dette et elle préserve de la turpitude et du blâmable. En général, quand tu vois qu'un enfant est habitué à aller à la mosquée à tout moment, ceci indique sa bonté et est une preuve de sa vertu. Comme le prophète, alayhi salat, ou est une religion plutôt que d'être ici. Dinun. Donc je répète cette phrase ici. Car la prière est une religion et elle préserve de la turpitude et du blâmable. En général, quand tu vois qu'un enfant est habitué à aller à la mosquée à tout moment, ceci indique sa bonté et est une preuve de sa vertu. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si vous voyez un homme avoir l'habitude d'aller à la mosquée, alors attestez de sa foi. Ce hadith, il a été rapporté par Ahmad. Et At-Tirmidhi, et At-Darimi, Ibn Khuzayma, et Ibn Hibban. Mais Cheikh Al-Albani, quand il fasse miséricorde, il a jugé ce hadith faible dans Da'if al-Jami' al-Saghir, page 73, hadith numéro 509. Puis le Cheikh, il continue, rahimahullah, il dit, « وَيَدُلُّ عَلَىٰ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَ الزَّكَاةِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ. Donc le cheikh cite un verset du Coran et il dit, et ceci est indiqué par la parole d'Allah dont la traduction du sens est. Ici on ne va pas faire un cours pourquoi le cheikh l'a cité alors que c'est un hadith faible. Hein, peut-être que le hadith était sahih pour cheikh Abdul Muhammad et pas pour cheikh Al-Albani et les autres explications que les ulama donnent à ce genre de situation. Ça c'est pas le sujet du cours ici. Et donc il dit, ceci est indiqué par la parole d'Allah dont la traduction du sens est, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la prière. Et s'acquittent de la zakat, et ne craignent qu'Allah, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Surat al-Tawbah, verset 18. Puis le Cheikh dit, Summa inna waladaka mat ahmaltahu, wa sahaba qurana assu, wa tanakkara wa taghayra alayhi wa ala dini, fa wallahi inna mawtahu khairun laka min hayati, madama annahu wasala ila hadi al-hala, wa madama yantafi'u bi'ulumi unasin, sa'at ahwaluhum, wa fasadat akhlaquhum, wa qawya amilu sharri fi nufusihim, تقول إن ولدي تخرج من الجامعة الفلانية ويحمل شهادة ماجستير أو ما يسمى بدكتوراه وتعلم في أمريكا أو في لندن أو في جامعة ما ظننت أنه بهذا صار جبلا من جبال الأرض وهو والله سراب لا خير فيه ولا في علومه مادم أنه لا يعرف حق ربه ولا يعرف حقك ولا يعرف أمور دينه فهذا جهله خير له من هذه العلوم التي آلت به إلى التنكر لدينه وبلاده ومجتمعه مما جعله يفضل طريقة الغرب أو طريقة أساتذته الكفرة وكما قلنا لا خير فيه ولا في علومه ماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم حالته سيئة وخلقه فاسد متنكر على أهله فجهله خير لك من علومه بل وموته خير لك من حياته فينبغي أن لا تتساهل أن لا تتساهل في أولادك ما داموا صغارا علمهم ما ينفعهم ربهم التربية الطيبة. Donc le cheikh il dit, puis lorsque tu négliges ton enfant et qu'il fréquente de mauvais compagnons, chacun ici se répond lui-même, il se remet en question. C'est-à-dire, est-ce qu'on néglige nos enfants? Et cette négligence, elle peut être partielle, elle peut être, même si elle n'est pas totale. Est-ce qu'on vraiment fait ce qu'il faut? Et est-ce que pour cela, on apprend ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on se renseigne? Est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on cherche? Et puis est-ce qu'on met en application? Et puis si on met en application, est-ce qu'on est persévérant? Est-ce qu'on est constant? Etc. Toujours dans cette éducation, dans cette préférence, persévérance dans l'éducation de nos enfants. Donc le cheikh dit, puisque lorsque tu négliges ton enfant et qu'il fréquente de mauvais compagnons et qu'il a un mauvais caractère et qu'il change envers sa famille et sa religion, alors par Allah, sa mort est meilleure pour toi que sa vie, tant qu'il est dans cette situation. Et en quoi certains pourraient bénéficier de science alors que leur situation est devenue mauvaise et que leur comportement est perverti et que le facteur de mal s'est fortifié dans leur esprit? Tu dis, mon fils est diplômé de telle université, il a un master, ou même ce qu'on appelle un doctorat. Il a appris en Amérique ou à Londres, ou dans une université quelconque. Tu penses qu'avec cela, il est devenu une montagne parmi les montagnes de la terre. Alors que par Allah, il n'est qu'un mirage, dans lequel il n'y a aucun bien, ni dans ses sciences, tant qu'il ne connaît pas le droit de son Seigneur. Et qu'il ne connaît pas ton droit, en tant que parent. et qu'il ne connaît pas les affaires de sa religion. Celui-là, son ignorance est meilleure pour lui que ses sciences, qui l'ont amené à renier sa religion, et son pays, et sa société, et l'ont amené à préférer la voie de l'Occident, ou la voie de ses professeurs mécréants. Comme nous l'avons dit, il n'y a aucun bien en lui ni en ses sciences. En quoi bénéficient certains de sciences alors que leur situation est devenue mauvaise? Sa situation est mauvaise et son comportement corrompu. Ayant un mauvais caractère envers sa famille, son ignorance est meilleure pour toi que ses sciences. Mais de plus, sa mort est meilleure pour toi que sa vie. Il convient donc que tu ne sois pas négligent envers tes enfants. Tant qu'ils sont petits, apprends-leur ce qui leur est utile. Éduque-les de la bonne éducation. ثم الأساتذة يجب عليهم أن يغرسوا العقيدة الحقة في قلوب النشأ وأن يتقوا الله فيهم ويبينوا لهم حكم الشريعة ومحاسنها وأسرارها حتى تنمو قلوبهم بالإيمان وتشرق قلوبهم بنور الإيمان فبهذا يكونون صلحاء ينفعون بلادهم وحكومتهم وأمتهم وأهليهم ودينهم أما إذا كانوا بعكس ذلك خابت الآمال وانعكست القضية وكما قلنا موتهم خير لك من حياتهم. Puis le cheikh, il parle des enseignants. Puis en ce qui concerne les enseignants, il faut qu'ils implantent la croyance authentique dans les cœurs des petits et qu'ils craignent Allah à leur sujet et qu'ils leur mettent en évidence les sagesses de la législation islamique et ses beautés et ses secrets afin que leur cœur se développe sur la foi et que leur cœur croisse avec la lumière de la foi et que par cela ils soient vertueux et qu'ils bénéficient leur pays et leur gouvernement et leur communauté et leur famille et leur religion. Puis le cheikh il dit, tandis que s'ils sont à l'opposé de cela, les espérances sont alors déçues et l'affaire est alors à l'opposé de ce qui est voulu. Et comme nous l'avons dit, leur mort est alors meilleure pour toi que leur vie. ثم الأستاذ الذي يعلم ولدك لابد هو بنفسه أن يكون قدوة صالحة لتلاميذه يقتدون به في أوامر الله ويقتدون به في أخلاقه كما قال عتبة بن أبي سفيان لمعلم أولاده قال له إني جئت بك لتعلم أولادي فأولا أصلح نفسك وتمسك بدينك فإن أعينهم معقودة بعينك فما رأوا منك شيئا استحسنوه وما فعلته فإنهم سيقلدونك ثم قال علمهم من الحديث أشرفه يعني علمهم أشرف الحديث وأنفعه ومن العلوم أنفعها ثم ومن العلوم أنفعها ثم قال وجنبهم مغازلة النساء والتشبيب بهن بل علمهم الحديث والقرآن وأشعار العرب والأدب الذي يبعث في النفوس الشجاعة والبطولة والكرم والتمسك بالعادات الحسنة هذا هو الذي يقوله عتبة لمعلم أولاده وقال فهم يقتدون بأفعالك كما يتعلمون من علومك فلابد أن تكون أفعالك حسنة فإن علمتهم جازيتك وعرفت لك مكانتك. Puis l'enseignant qui enseigne à tes enfants, il faut qu'il soit lui-même un exemple de vertu pour ses élèves, qui le prennent comme exemple dans les ordres d'Allah et imitent son comportement. Comme Utbah ibn Abi Sufyan a dit au professeur de ses enfants, je suis venu vers toi afin que tu enseignes à mes enfants, que tu apprennes à mes enfants. Donc, premièrement, réforme-toi toi-même et accroche-toi à ta religion, car leurs yeux sont liés à ta personne. Ce qu'ils voient comme mal de toi, ils le jugent convenable. Ils t'imiteront dans ce que tu fais. Puis il dit, apprends-leur la plus noble des paroles, c'est-à-dire la parole la plus noble et la plus bénéfique, et apprends-leur les plus bénéfiques des sciences. Puis il dit, puis écarte-les du fait de courtiser les femmes et de chanter leur beauté, mais apprends-leur plutôt le hadith et le Coran et les poésies des Arabes et la littérature qui incite les âmes au courage et à l'héroïsme et à la générosité et à s'attacher aux bonnes mœurs. Voilà donc ce que dit Utbah au professeur de ses enfants. Puis il dit, ils prennent exemple sur tes actions, comme ils apprennent de tes sciences. Tes actions doivent donc être bonnes, et si tu leur apprends, je te récompenserai et je reconnaîtrai ton rang. Donc c'est ça la parole qu'il a dit à l'enseignant qui va apprendre à ses enfants, qui va enseigner ses enfants. Qui va enseigner à ses enfants. Donc puis le cheikh, il continue, il dit, فإذا اجتهد الأستاذ مع البيت مع الوالد نشأ الولد نشأة طيبة صالحة ونفع بلاده وحكومته ونفع الله به الإسلام والمسلمين أما إذا كانت أساتذته من أساتذة الغرب من الكفرة المفسدين أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين الإسلامي وأعداء الوطن فلا شك أنه سيتغذى بلبانهم ويشرب من مائهم فيتبع آثارهم فإن التلميذ على أساس معلمه ولكن لا للأسف كيف نرضى أن نبعث أولادنا الصغار إلى كل من أمريكا أو البلاد الفلانية فيقول ولدي ذهب يتعلم الكفر يتعلم الزندقة يتعلم الانحراف يتعلم التنكر لأهله وبلاده ودينه لأنهم يعلمونه هذا كما قال زويمر Zwemer, c'est en anglais Zwemer, on va revenir au nom de cette personne et pourquoi, parce que j'ai fait une recherche par rapport à cette personne, à qui c'était, etc. On va revenir ça à la fin, Inch'Allah. كما قال زويمر زويمر هذا هو رئيس المبشرين النصارى وهو الذي يبعث المبشرين في الأقطار الغربية العربية الإسلامية جمعهم بعدما فرقهم وقال أخبروني ماذا علمتم أو علمتم عفوا في البلاد الإسلامية قال أحدهم أنا نصرت خمسة والآخر أنا قال اثنين قال باركت لكم المسيحية وشكرهم وقال لم تتفطنوا للغرض الذي نريده المسلم لا يمكن أن يتنصر أبدا والمسلم لا يمكن أن يتنكر لدينه إلا إذا كنتم أنتم الذين تعلمونهم العلوم الغربية فالمهم أنكم تعلمون أولاد المسلمين بحيث تلقون في أنفسهم الشبه في دينهم وتلقون في أنفسهم التنكر لبلادهم حتى إذا تعلم أحدهم وتبوأ مركزا في بلاده لا يهمه إلا شهوته وإن جمع مالا ففي سبيل شهواته وإن تبوأ مركزا ففي سبيل شهواته فيصبح لا دين له ولا صلة له بخالقه وبهذا تستعمرون البلاد المحمدية هذا قوله Écoutez ce que va dire le Cheikh ici. Il dit Donc si l'enseignant et la famille font des efforts avec l'enfant, l'enfant grandira, donc c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe si vous voulez. Ça c'est important, on va revenir dans la Gelsa tout à l'heure, Inch'Allah, c'est que quelque part on a tous besoin les uns des autres. Le corps enseignant, la famille, les parents au premier plan, la famille plus étendue, hein, les grands-parents, oncles, tantes, etc., et les frères, sœurs, etc., et l'enfant. C'est-à-dire que c'est un tout qui doit entourer l'enfant. Et tout le monde doit travailler pour le bien de cet enfant. Donc, tandis que c'est, le Cheikh dit, donc l'enfant grandira alors avec bien et vertu et bénéficiera son pays et son gouvernement. Et Allah bénéficiera par lui l'islam et les musulmans. Tandis que si ses professeurs sont des professeurs de l'Occident, parmi les mécréants, corrupteurs, les ennemis d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, les ennemis de la religion de l'islam, les ennemis de la patrie, alors il n'y a aucun doute qu'il se nourrira de leur allaitement et boira de leur eau et suivra donc leurs traces. Car l'élève se base sur ce qu'est son professeur. Mais malheureusement, comment pouvons-nous être satisfaits d'envoyer nos petits-enfants en Amérique, parce que le Cheikh il était à Mecca, ou tel autre pays, et de dire « Mon enfant est parti apprendre. Il apprend la mécréance, il apprend l'athéisme, il apprend la déviance, il apprend à renier sa famille et son pays et sa religion. » Car ils lui apprennent cela, comme a dit Zwemer. Zwemer était le chef des missionnaires chrétiens. C'est lui qui a envoyé des missionnaires vers les pays arabes. Il ne faut pas être naïf, il y a les pays arabes, ils sont des cibles. Les pays musulmans sont des cibles. Et même les communautés musulmanes dans les pays d'Occident. Moi, j'avais rencontré un groupe d'évangélistes américains qui étaient dans un marché, dans un quartier à Bruxelles, qui était un quartier essentiellement maghrébin. Et ils donnaient ça commence par des calendriers en arabe. Dans les calendriers, il y avait des choses par rapport à la chrétienté, etc. Et ils appelaient à cela. Donc j'étais avec un ami à moi, on était rentré avec les courses. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit, j'étais pas tranquille, j'y vais, on retourne chez eux. On est retourné chez eux, et puis on a discuté avec eux. On a un peu débattu avec eux, etc. Alhamdulillah, ils ne savaient pas répondre par rapport au tawhid, par rapport à l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, etc., etc. Mais regardez, et beaucoup de gens prenaient leur publication, leurs documents, parce qu'ils ne faisaient pas attention. Ça a l'air un calendrier, c'est joli, c'est utile, etc. Mais en fait, il y avait des choses qui étaient données avec. Et au début, ils ont menti. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites en fait dans le marché? Ils m'ont dit, non, en fait, on est ici, on voudrait savoir comment les musulmans vivent le racisme en Occident. Je dis, mais donc vous êtes là pour prendre une information? Comment est-ce que ça se fait que vous donnez de l'information? Alors ils sont tués. Je dis, mais c'est quoi en fait ce que vous faites? Vous appelez au christianisme, etc. Après, bon, ils ont un peu avoué, etc. Et puis, de la discussion s'est engagée. Donc, Zwemer était le chef des missionnaires chrétiens. C'est lui qui envoyait les missionnaires vers les pays arabes. Il les regroupa ensuite, après les avoir envoyés, et leur dit, informez-moi de ce que vous avez enseigné dans les pays musulmans. L'un d'entre eux dit, Lui, d'ailleurs, il était très connu hein, dans les milieux évangélistes pour ça, pour être spécialiste dans l'évangélisation de ce qu'ils appellent les Mohammedites. C'est un terme utilisé par les anglo-saxons qui est péjoratif envers les musulmans. Les Mohammedians, ils les appellent. Ils nous appellent. Hmm? Il dit, informez-moi de ce que vous avez enseigné dans les pays musulmans. L'un d'entre eux dit, moi j'en ai converti 5 au christianisme. Et l'autre dit 2. Il dit, la chrétienté vous bénit, vous remercie. Il dit ensuite, vous n'avez pas fait attention au but que nous voulions atteindre. Que nous voulons atteindre. Il n'est pas possible que les musulmans se convertissent au christianisme et le musulman ne peut pas renier sa religion. On ne peut renier sa religion que si c'est vous qui leur enseignez les sciences occidentales. Ce qui est important, c'est que vous appreniez aux enfants des musulmans de manière à ce que vous leur passiez dans leur fort intérieur des ambiguïtés sur leur religion et que vous les fassiez renier leur pays dans leur fort intérieur afin que lorsque l'un d'entre eux est appris et qu'il soit en charge d'un institut dans son pays, vous voyez la vision à long terme qu'ils ont, que la seule chose qui le préoccupe soit son désir, sa shahwa. Et que s'il amasse de l'argent, que ce soit pour ses désirs. Et que s'il est à la tête d'un institut, ce soit pour ses désirs. Et qu'ensuite, il n'ait plus de religion et n'ait plus de lien avec son créateur. C'est de cette manière que vous arriverez à coloniser les pays mohammedites, c'est-à-dire les pays musulmans. J'ai fait des recherches, c'était quelqu'un qui était très très connu et qui était employé même par des grandes organisations, même des fois gouvernementales, etc. Et qui était connu pour voyager dans les pays musulmans et être responsable de groupes d'évangélisation dans les pays musulmans. Et le cheikh, il dit, c'est ça sa parole. Et il a dit autre chose, ce Zwemer-là. Il a dit, وقال مرة في خطبة له أخرى إن الإسلام كالشجرة فيجب قطعها بأغصانها وأغصانها هم أولاد المسلمين علموهم حتى يساعدوكم على قطع شجرة الإسلام في بلادهم أنتم لا تستطيعون أن تقطعوها بل علموا أولادهم سيساعدونكم على اجتثاث الإسلام في بلادهم هذا قولهم شيخ الدي سزوامر لا يلدي une autre fois dans un sermon l'islam est comme l'arbre qu'il faut couper avec ses branches. Et ses branches sont les enfants des musulmans. Apprenez-leur jusqu'à ce qu'ils vous aident à couper l'arbre de l'islam dans leur pays. Vous n'êtes pas capable de le couper, mais apprenez à leurs enfants qui vous aideront à déraciner l'islam dans leur pays. Ceci est leur parole. إذا كان هذا قولهم فكيف يسمح الإنسان أن يبعث ولده وهو صغير لم يتشبه بالعقيدة الصحيحة إلى ألمانيا إلى فرنسا أمريكا إيطاليا لندن كل هذا من الغلط يأتيك متنكرا لدينه متنكرا لوالديه يحتقرهم ويرى أنهم لا يفهمون ولا يعرفون وهو الذي في الحقيقة لا يفهم ولا يعرف متنكرا لحكومته متنكرا لبلاده ينبغي للإنسان أن يعتني بأطفاله الذين تحت يده لأنهم أمانة في عنقك ومتى أهملتهم فقد خنت الأمانة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم فأبناؤك أمانة في عنقك متى أهملتهم فقد خنتهم. Si donc telle est leur parole, comment quelqu'un pourrait-il s'autoriser à envoyer son enfant qui est petit et qui n'est pas encore imbibé de la croyance authentique en Allemagne, en France, en Amérique, en Italie, à Londres? Tout cela est une erreur. Il revient reniant sa religion, reniant ses parents, et les méprisant, et pensant qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Mais c'est lui en réalité qui ne comprend pas, il ne connaît pas. Il renie son gouvernement, renie son pays. Et j'entendais il n'y a pas longtemps une personne qui disait, dans les médias, qui disait, je remercie la France qui m'a donné le choix de ne pas croire. Alors qu'issu d'une famille musulmane. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Les gens doivent s'occuper de leurs enfants qui sont sous leur responsabilité car ils sont un dépôt qui t'est confié. Et si tu les négliges, tu auras alors trahi le dépôt. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, « Ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance, le dépôt qu'on a placé en vous. » Sourate Al-Anfal, verset 27. Tes enfants sont donc un dépôt qui t'est confié. Si tu les négliges, tu les auras alors trahis. Puis le cheikh il dit, « المتعين على كل منا أن يتقي الله في نفسه وفي أولاده وفي من تحت يده. الأيام منقضية والآجال قريبة. لا يدري الإنسان متى يفاجئه الأجل. فليحرص على تعليم أولاده العلوم النافعة وأن يؤدبهم على الخير ويمرنهم على الطاعة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc le cheikh termine cette belle allocution, cette belle leçon en disant: ce qui est obligatoire à chacun d'entre nous, c'est qu'il craigne Allah au sujet de sa propre personne, et au sujet de ses enfants, et au sujet de ceux qui sont sous sa responsabilité. Les jours ont une fin, et les termes de vie sont proches. On ne sait pas quand le terme de notre vie nous surprendra. Que chacun de nous s'attache donc à enseigner à ses enfants les sciences bénéfiques, et les éduquer au bien, et à les entraîner aux actes d'obéissance. Chacun d'entre vous est un berger, et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. L'homme est un berger et responsable de son troupeau, et la femme est une bergère dans la demeure de son époux et responsable de son troupeau. Et c'est un hadith rapporté par le Bukhari numéro 2409 et Muslim numéro 1829, donc un hadith muttafaqun alayh. Donc la source, c'était, comme je vous ai dit, c'était les fatwas, les cours à la mosquée sacrée de la Mecque de Cheikh Abdallah ibn Mohammed ibn Humayd. Je vous donne pas une biographie, mais peut-être une date de naissance et de sa mort. Il est né en 1329 de l'Hégire, il est mort en 1402, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et pour l'édition, c'est aux éditions Maktabat Dar al-Minhaj, page 937 à 944. Le récit note de ma part par rapport au Zwemer dont il parle. J'ai fait une recherche pour savoir c'était qui. Et je pense que le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, fait référence à Samuel Marinus Zwemer. Ah, il est né en avril, 12 avril 1867. Et il est mort le 2 avril 1952. Et ce qui me conforte dans cet avis réside dans ce qui suit. Le cheikh en arabe, il a dit Zwemer en arabe, ce qui correspond à Zwemer. Le cheikh aussi l'a décrit comme étant le chef des missionnaires, et c'est la position qu'occupait Zwemer justement. Et Samuel Zwemer était spécialisé dans l'évangélisation des populations musulmanes, au point qu'il a été surnommé en anglais « the apostle to Islam », c'est-à-dire l'apôtre de l'islam. Le fait qu'il ait aussi appelé les pays musulmans les pays muhammadites, le bilad muhammadi. Or Zwemer appelait les musulmans muhammadans, et il appelait le monde musulman « the muhammadan world ». Hein? D'ailleurs, c'est chez les islamophobes, les gens qui détestent l'islam, mais surtout dans les milieux chrétiens, vous trouvez, même francophones, ils reprennent cette terminologie. Hein? Les mahométans ou les mahomédiens, hein, etc., ils reprennent cette terminologie qui est à la base anglophone. Zwemer a beaucoup donné d'importance au système éducatif et a beaucoup écrit à ce sujet. Hein? C'est une personne qui a consacré sa vie à sortir les gens de l'islam, wal'adhu billah, et surtout les enfants, pour cette vision à long terme qu'ils ont, etc. Donc, avec cela, on s'arrête pour la leçon, et donc on va couper la radio, inshallah.